Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Est-ce que tu préfères un double coup de pied sauté dans la mâchoire ou une glissade sur le ventre avec les deux flingues en avant? Oh, glissade avec les flingues. Yeah. I feel the need for speed. I want the truth. First, take a big step back and literally fuck your own face. All I'm saying is I want to be treated like a human being. Respect. The cock. I'm a Vietnam veteran. Anchor Man does what he can. I love you. Until his destiny is revealed. You. Throw me the money! Complete me. It's your last chance to walk away. Bonjour et bienvenue dans Cruise Control, le podcast qui vous prouve que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood. Aujourd'hui, épisode numéro 22, nous sommes dans la saison 3, la saison des années 2000, et nous vous parlons du film Mission Impossible 2, réalisé par John Woo, où Tom Cruise joue le rôle d'Ethan Hunt. Donc toujours dans notre croisade pour montrer la grandeur et la décadence de Tom Cruise, film après film. Joie après joie, tristesse après tristesse, enfin je ne sais pas. Bah voilà. Mission Impossible 2, donc deuxième épisode de la saga. Serena, est-ce que tu l'avais déjà vu? Eh oui, je l'avais déjà vu. Alors, j'étais un peu... Je ne me rappelais plus trop. Ah ouais. Je sais pas, j'avais un peu oublié de... Je me rappelais certaines scènes, j'avais envie de le revoir. Ah, voilà. C'est bien, tu l'as revu, t'es contente. Et toi? Moi, je l'avais déjà vu plusieurs fois. Ça ouais. Fait partie des Missions Impossibles que je regarde. En fait, il n'y en a qu'un Mission Impossible que je ne regarde pas. Mais voilà. On ne dira pas lequel. Je ne dirai pas lequel, mais ce n'est pas celui-là en tout cas. Ouais. Contrairement à ce que la plupart des gens disent. Ouais. Bon, on va essayer de résumer ça. Vite fait. Vite fait, bien fait. Bah, ouais, c'est pas dur. Je vais donner quelques détails. Mais on va dire pas... espionnage, virus, méchant, et puis en avant, quoi. Bim bam boum. Oui, ah ouais, hein, okay, d'accord. Allez, c'est parti. Bon courage, Serena. On est à Sydney, Australie. On est à l'intérieur de Biosite Pharmaceutics. Je sais pas, un truc un peu bidon. On voit les docteurs Nekarovic. Dans son labo, qui s'injecte un truc dans les corps, pim poum, déjà lumière verte, le mec qui s'injecte un truc, et on entend sa voix off qui dit: Dimitri, pour avoir un grand héros, il faut un grand créer méchant. Un grand méchant. Donc pour avoir Bellerophon, on a dû créer Chimère. Mm-hmm. Oh, viens Dimitri, on a 20 heures, et tu dois m'accompagner, je dois faire la route entre ici et Atlanta, on doit être impérativement au-dessous des 20 heures, et j'ai besoin de toi à mes côtés. Okay. On se retrouve sur l'avion pour Atlanta, il y a Tom Cruise à côté du docteur Nerkovic, et qui est le docteur, il lui parle: ah Dimitri, je suis très content que tu sois là, blablabla. Oui, Dimitri, c'est Tom Cruise. C'est enfin, Ethan Hunt. Ethan Hunt, pardon. Oui, parce que pour moi, c'est un peu la même chose. C'est la même personne. C'est pas la même chose. Et à un moment, le pilote, il dit: ah, on est en dépressurisation. Oui. Dépressurisation. Et il lâche les masques d'oxygène. Il dit aux passagers: mettez les masques d'oxygène. C'est pas très grave, mais tout voilà. Tout va bien se passer. Tout va bien. Tout le monde met les masques. Tout le monde tombe dans les pommes. Ouh, mystère. Le pilote, il est méchant, en fait. Wow. Tom Cruise, il regarde les docteurs, il lui donne un gros coup, il récupère sa sacoche, parce qu'il avait la sacoche sur les jambes. Il récupère la sacoche pour récupérer Chimera et Bellerophone. Mmh. Et il enlève ce masque. C'est pas Tom Cruise, c'est... Les grands méchants de cet épisode, quand on ne sait pas qui c'est. Ah, on ne sait pas encore que c'est le grand méchant, mais oui, a priori. Bah quand même, on a un peu vu dans son regard qu'il était méchant. Il a une tête de méchant. Et il prend les pilotes, il est avec lui, donc, et il y a deux autres gars, je pense. Oui. Il se jette de l'avion, un parachute, il se sauve, et l'avion crash, il se crash au milieu des montagnes. Quatre. On retrouve Tom Cruise, donc les vrais, Ethan Hunt, en train de faire de l'escalade. Oui. au Grand Canyon. Parce qu'il est en vacances. Il est en vacances. Il filme l'escalade des oufs avec des scènes des oufs malades, des glissades, des machins, des trucs. Il est tout seul au milieu de nulle part. Il monte tout en haut, il lui regarde les paysages. Et là, un hélicoptère arrive, il le voit, il lui lance un espèce de missile message. Il ouvre cette espèce de paquet missile, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est un missile qui se dévisse et on sort quelque chose. C'est bizarre. Et il y a des lunettes de soleil à l'intérieur, oui. L'aimer, message pour Itanante de Mission Impossible, ben je vois, de l'IMF. Voilà. Et qui lui dit, en gros, Chimère a été volée, tu dois récupérer un objet perdu qui s'appelle Chimère, tu peux choisir deux coéquipiers à ta convenance, voilà. Mais le troisième doit être forcément Naya. Attends, je dois retrouver son nom. Nordoff Hall. Et on se voit dans 48 heures à Séville. Ok. Bim, Séville. Et ce message s'autodétruira dans 5 secondes. Il jette les lunettes. Bam, explosion générique. Flamme, très kitsch, générique flamme. On n'oublie pas, flamme, ça fait partie des quelques ingrédients qu'on va retrouver tout le long. Ralenti peut-être d'abord, flamme. Ralenti des lunettes. Flamme. Donc ralenti, flamme, déjà, ça fait deux indices qui a réalisé ce film. Titre, gna. Séville, guitare flamenco, danse flamenco, méga kitsch. Tom Cruise, il est au milieu d'une fête où il y a cette danse flamenco, on ne comprend pas bien, dans un palais. Une fête. Il voit une nana dans la foule, gros ralenti, il se regarde dans les yeux, il faut un peu, toi t'es mignon, toi aussi, mais ils disent avec rien. Avec les jupes qui tournent au milieu. Wow, c'est très bel effet de style. Et bouf, la nana disparaît. Mmh. Et on sait déjà que c'est la fameuse Nia Nordoff Hall, parce qu'on l'a vue. Oui. Donc, c'est une voleuse. Et c'est une, voilà, j'ai oublié de dire, c'est une civile, oui. Mais qui est une voleuse professionnelle. Oui. Voilà, donc Itanante, il la suit. Elle va dans les hauts, bon, elle essaie de voler un collier. Il y a une scène très bizarre, très gênante, où en fait il se drague à moitié et elle lui tombe dessous. C'est pseudo-sexy, je sais pas trop. Et en tout cas, elle prend les colliers, elle arrive à voler les colliers. Tom Cruise un peu lui dit non, mais c'est pas là, c'est là-bas. Il sait mieux qu'elle. Il manipule. Et puis, l'alarme se déclenche. La sécurité, elle arrive. Le monsieur de la sécurité dit « Ah, mais non, ce... » Je ne sais pas comment il l'appelle. Bon, c'est Tom Cruise qui est notre chef de sécurité qui dit « Oui, il fallait contrôler. » Bon, bref, c'est un peu compliqué. Ils s'en sortent. Par contre, ils doivent redonner les colliers. Nia, elle est très en colère parce qu'elle découvre que c'est Tom Cruise qui a déclenché l'alarme même. Et Tom Cruise lui dit « Ben non, mais je dois te parler d'un truc. » Elle dit « Ben non, ciao, je me casse. » Elle se casse. Elle est dans sa voiture hyper stylée, je ne sais pas dans, où. Dans des falaises, en bord de mer. De mer, ouais. Les téléphones sonnent. C'est marrant, en plus, les téléphones, les vieux motos là, dans la voiture. Donc elle répond au téléphone et c'est Itanante qui lui dit « Mais t'es où? Est-ce qu'on peut se parler ?» Elle dit « Non. » Bim, voiture derrière elle. Et c'est qui? C'est Itanante. Il la suit, donc elle raccroche. Elle dit « Si tu veux me parler, tu dois me capturer. » Ouais, rattraper. Attraper. Donc, course-poursuite avec des bagnoles des oufs. Bon, je passe ralentis, tous les détails. Des voitures qui tournent. 360. Des regards langoureux. Oui, il y a un peu de trucs sexy. Ah, il y a de la drague. Ouais, il y a la drague en voiture. Ouais, un peu. Ouais. Et il y a crash. Donc, Naya elle se retrouve suspendue à sa voiture au bord de la falaise. Tom Cruise la sauve. Ils sont face à face. Elle est assise sur lui. Bisous. Et ils couchent ensemble. Voilà. Quatre. Et ils ont couché ensemble. Pour l'instant, c'est un James Bond. Oui. Et ça drague beaucoup, beaucoup. Donc, ils se retrouvent au lit ensemble. Tom Cruise, il a rendez-vous avec son chef. Donc, Anthony Hopkins. Qui lui montre la vidéo du docteur Nekorovitch. Et qui dit « Dimitri, c'est TP, viens, machin. » Vidéo qu'il n'avait jamais eue puisqu'il était en vacances. Ben oui. Donc, Tom Cruise dit « Bon, ben alors, il faut aller le chercher absolument. Et voilà, je pars pour l'amener à Atlanta. » Ben non, Anthony Hopkins, il lui explique que le docteur est mort dans un accident d'avion. Quel est le pilote qui devait piloter l'avion? bah, ils l'ont retrouvé mort, donc c'était sûrement un autre pilote, et qu'en fait, ils ont envoyé un gars habillé en Tom Cruise, oui. En Ethan Hunt, pardon. La doublure officielle de Ethan Hunt. Parce qu'ils ne l'ont pas retrouvé, parce qu'il était en vacances. Et qu'il n'a pas dit où il allait. Et voilà, mal. Et Tom Cruise dit oui, mais sinon, ce ne serait pas des vacances. Voilà. Et donc, c'est qui ces gars? Il s'appelle Sean Ambrose. Tout à fait. Et Tom Cruise, il n'a pas un bon... il n'aime pas. Il dit, mais il a déjà bossé avec lui et voilà. Il tue beaucoup trop des gens, il est méchant, oui. On l'aime pas. Et là, du coup, on se rend compte qu'au-delà d'être méchant, c'est surtout, il a basculé, quoi. Oui, il a basculé de l'autre côté, parce qu'ils disent, on ne sait pas où il est, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a pris, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est cette fameuse chiméra et belle heure à fond. Donc, comment on fait pour le savoir? Il faut savoir comment il veut le vendre, à qui veut le vendre, c'est quoi ses points faibles à ces gars. Et Anthony Hopkins, il dit justement, Naya Nordoff-Hall, c'est son ex. Donc, il faudrait qu'elle se réapproche de lui, qu'elle regagne sa confiance. Et comme ça, lui, il va lui dire qu'est-ce que c'est. Il dit, quoi? Coucher avec un autre homme? Et là, il la connaît depuis deux secondes. Donc, petite scène de jalousie déplacée où Tom Cruise dit non, mais je ne veux pas qu'elle fasse, ça parce que c'est dangereux. En plus, elle n'a pas la formation adéquate. Elle n'a eu pas le training pour faire ça. Elle dit, mais Anthony Hopkins, il dit oui, mais c'est une femme. Coucher avec des gars et mentir, elle a tout l'entraînement dont elle a besoin. Parce que c'est horrible, horrible cette phrase. N'importe quoi. Donc, voilà. Donc, Ethan Hunt va parler avec Naya. Une petite discussion bizarre aussi, où en fait, Naya, elle se prend la tête. Parce que Naya, elle dit, mais je voudrais bien que tu ne veuilles pas que je fasse ça. Oui, genre c'est comme si c'était un couple depuis des millénaires, alors que non. Mais... Bon, bref, bizarre. En ouais. Tout cas, elle décide qu'elle va le faire. Et oui. Comment faire? Elle peut pas arriver et dire, coucou, c'est moi. Donc, Ethan Hunt décide de l'emprisonner. D'envoyer un bulletin à tous les polices du monde entier pour dire qu'elle est à Séville. Il est sûr qu'Ambrose, il va lire les bulletins. Ouais. Et donc, il va la faire sortir des prisons. Tout à fait. Donc, c'est qui c'est ça, c'est un effet. Très bon plan. Très bon plan, qui réussit. Ambrose, il la fait sortir. Elle est amenée chez lui, sur une espèce de villa au milieu de rien, sur les falaises en Australie, j'imagine. Oui, a priori. Ouais. Bref. Et elle arrive, ils s'embrassent, le pilote, donc on découvre les faux pilotes, oui, là, complices. Ouais. On découvre qu'il s'appelle Hugh Stump. Hugh, je ne sais pas jamais comment dire. On l'appellera Stump. Et lui, il est très, très méfiant. Méfiant, très méfiant. Il la scanne, il découvre qu'elle n'a rien sur elle, alors qu'en réalité, Ethan Hunt, il lui a mis une mini-puce de quelques millimètres de largeur, oui, que personne ne peut détecter. Il l'a fait avec Luther, c'est ça? Il l'a déjà recruté? Non, c'est après. Non, c'est Ah, je sais plus. Parce qu'il avait deux, on se rappelle qu'il avait deux mecs à recruter. Si, et il a rappelé Luther, donc son copain du numéro 1, et un gars en plus qui est pilote d'hélico. Billy Bird, qui est pas très intéressant. Bah, si, quand même, il aide, mais bon, oui, pas plus. C'est pas ouf. Pas mémorable. Donc, Luther a le seul ordinateur qui peut lui seul détecter la puce qu'ils ont injectée dans Naya. Et mettre Naya. Les satellites pour voir, faire des zooms, pour voir exactement que Sean est en train d'embrasser Naya. Ce qui énerve Tom Cruise. Donc, Tom Cruise doit regarder cette scène où il s'embrasse. Il est très jaloux et il ne peut rien faire parce qu'il doit juste regarder. Et puis, il la localise dans la chambre. Et elle bouge pas. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, on sait plus ou moins qu'ils ont couché ensemble avec Ambrose. Et oui. Au dégoût de Naya, quand même. Oui. C'est assez clair. Oui, et la pauvre Naya. C'est pas ouais, le début. C'est pas... Hein. C'est pas joli. C'est pas joli. Le Stump, donc les pilotes, il est très méfiant. Ambrose, il est en colère parce qu'il est méfiant. Et il lui coupe le bout du doigt. Le bout du doigt avec un coupe-cigare. Dans une scène un peu... Ouais, c'est juste pour montrer qu'il est fou. Ouais, et qu'il a coupé un doigt. Oui. Quand même. Mais... Détail important, ce doigt coupé. Donc, on découvre que... Ils doivent faire un espèce d'échange. Oui, qu'il a mis en vente Chimère. Enfin, qu'il a mis en vente. Qu'il a mis en vente. Qu'il a un échange. Enfin, qu'il reçoit des propositions. Donc, il a reçu une proposition de 37 millions. Mais pourquoi? On ne sait pas qu'est-ce que c'est, cette chimère ou cette belle heure à fond. Donc, on sait qu'ils doivent aller en course des chevaux le lendemain. Pour rencontrer l'acheteur, du coup, Naya et Ambrose et Stamp, ils sont à la course des chevaux. Naya apparaît sur les chevaux et elle gagne. À un moment, Ambrose, les méchants, ils se cassent pour parler avec quelqu'un. Et Naya reçoit un petit cahier, un petit revue par un gars. Et à l'intérieur, il y a une oreillette, Emile l'oreillette. Et c'est qui? C'est Ethan Hunt qui la regarde, dit « Je suis là, t'inquiète, on te surveille. » Et donc avec ses jumelles, elle regarde Ethan Hunt, il a des jumelles aussi, il se regarde, il parle. Et en gros, il dit « Ah, attends, Stamp, il est derrière toi, oui, il est toujours avec nous. Ah, attention, fais attention à toi. » Et en même temps, il voit Ambrose qui parle avec ses potentiels acheteurs, qui découvre être Monsieur McCloy. Le patron de Biosite. Les PDG de la du labo, du labo dont Nerkovitch s'est barré. C'est un peu problématique. Bon. Il veut racheter le truc qu'il a perdu. Il a perdu. Et Ambrose, il lui montre un truc sur une carte SD, sur une caméra digitale. On ne sait pas qu'est-ce que c'est. Et il met sa carte, il lui montre, les patrons, il est un peu perturbé. Il revient avec Naya et Tom Cruise lui dit, tu dois récupérer cette carte SD qu'il a mise dans la poche gauche de sa veste. Très important. Très important. Et met la mêlée. Donc elle lui vole les trucs. Elle amène à Ethan Hunt. Ethan Hunt a la caméra amenée par Luther. Il regarde qu'est-ce qu'il y a sur ses photos. C'est des fichiers. Photos... de Gratzky, qui était un ami d'un autre scientifique. Le collègue de Nerkovitch. Nerkovitch, qui s'est fait injecter, pareil, cette fameuse chimère. Et on voit les états de dégradation. En fait, son maladie est mortelle. En 30 heures, c'est fini. En 30 heures, à partir de 20 heures, tu peux plus rien faire et ensuite ça s'accélère et à 30 heures, c'est horrible, quoi. Donc, il comprend que chimère, c'est un virus. Oui. Et Bel Air Fun, le l'antivirus. Donc, ok, d'accord. Et Tom Cruise se dit, attention, c'est très dangereux, Naya, tu dois te casser de là-bas. Naya dit, ouais, je sais pas. Ok, elle reprend la carte SD, elle retrouve Ambrose, donc les méchants. Elle lui amène dans la poche, mais elle se trompe de poche. C'est la poche droite. Et Ambrose, il se rend compte, parce qu'on voit un gros plan sur son regard qui fait, Tiens, c'est étrange. Donc, bon, il se passe plusieurs choses, mais on suit McCloy. McCloy, ouais. Le patron de PDG. Biosite. Des Biosite, qui est suivi par des voitures. Il est kidnappé. Il est suivi par les hommes de main de Ambrose. Ambrose. Il commence à parler à son chauffeur, mais le chauffeur, il ne répond pas. Et à un moment, il voit un journal, les journaux, les quotidiens du jour, et il voit sa photo. Avec écrit PDG mort d'une maladie inconnue. Oui. Et on voit du gaz et il commence à paniquer. On voit du gaz dans la voiture et bam, il se retrouve. On le retrouve dans une chambre d'hôpital, enfermé en quarantaine. Et super, fait tout. Et il y a le professeur Nekorovitch qui vient lui parler. Je ne sais jamais dire son nom. Nekorovitch. Et qui lui dit, en gros, donc mec lui dit, je pensais que vous étiez mort. Mais non, je ne suis pas mort. Et en même temps, Naya, qui est restée toute seule dans la grande villa d'Ambrose, essaie de s'échapper. Et il y a plein de gardes partout. Elle arrive à s'échapper et clac, elle tombe sur Tom Cruise qui lui dit, qui la bloque et lui fait chut. Voilà. parce que c'est un parallèle tout ça. Donc Nekorovitch dit, il commence à interroger un peu McCloy en disant qu'est-ce que vous avez fait avec les vaccins? Non, avec Chimera vous l'avez injecté à Gradsky. C'est vraiment, vous voulez le tuer et tout, c'est pas cool. En gros. C'est vrai que c'est pas cool. Et McCloy dit, ben oui, mais vous aviez fait un super vaccin qui tue tout. Du coup, j'avais besoin d'une maladie et pour le prouver et aussi pour faire de la thune. Concrètement, oui. Il dit, je suis un homme qui voulait faire de l'argent, donc j'avais besoin du virus et de l'antivaccin. Ok, très bien. Gros coup de gaz, le McCloy, il s'endort. Nekorovitch enlève son masque et c'est Tom Cruise. Oh, what? C'est un deuxième masque. C'est Ethan Hunt. Mais si Ethan Hunt est avec le docteur... Avec McCloy. Qui est avec Mia? Oh non! Et ça, c'est le moment le plus trouble de tous les films. On se rend compte que ce qu'il a du bleu de Itanante, c'est Ambrose. Donc Ambrose, oui. Il s'est déguisé en Tom Cruise pour parler avec Naya pour pouvoir... Pour prêcher le vrai du faux, pour comprendre si elle est une taupe. Ouais, si elle est vraiment une taupe. Et en fait, elle parle au faux Tom Cruise en disant « Oui, mais s'il te plaît, amène-moi avec toi. » Il l'embrasse et tout, quoi. Donc il comprend tout. Et lui dit... Tu suis tout ce qui ne tu dois pas t'échapper, tu dois suivre à la lettre tout ce que Ambrose il va te dire, vas-y, rentre à la maison. Elle rentre à la maison, il enlève son masque, c'est bien Ambrose et il pleure. C'est le troisième masque. Parce que oui. Je compte les masques. Il pleure parce que voilà. Il s'est fait rouler. Stamp, il dit à McCloy en gros pas McCloy, Ambrose. Ambrose. Itanante a tout compris. Oui. Donc, il faut agir. Ça veut dire qu'il va s'infiltrer pour récupérer les... Il a compris que Chimère, c'est un virus. Et qu'il faut aller à Biosite récupérer les restes. Oui, parce que... Le labo de Nekorovic, où il y a tous les Chimères en production. Quoi. Tout à fait. Donc... Itanante, avec ses deux collègues, essaie de comprendre comment rentrer... à l'intérieur de biosite pharmaceutique pour détruire les virus. Et en même temps, Ambrose, il connaît très bien. Et oui, il explique comment il va faire. Il sait très bien qu'il ne va pas tuer les gardes, et donc il va tomber du toit. Il va rentrer par les toits, comme d'habitude, j'ai envie de dire. C'est ça, mais c'est hyper marrant cette scène où c'est Ambrose qui explique le plan que va faire Ethan Hunt. C'est génial. Ça, c'est pas mal. Et donc, il sait qu'il doit aller au 42e étage. Et il doit tuer d'abord tous les virus qui sont dans l'incubateur. Oui. Et après, les virus qui restent dans trois pistolets, oui. L'inoculateur. Quoi. Ouais. Trois pistolets à injection. Donc, il y en a trois. Il doit détruire les trois. Et Ambrose compte rentrer en même temps que lui et récupérer Chimère. Donc... scène d'action des oufs malades, il tombe du plafond. Bon, magnifique. Il se retrouve. Donc, il a tué presque tout. Il lui reste les derniers pistolets. Ouais. Et là, blam, Ambrose débarque. Avec tous ses hommes de main. Avec je ne sais pas combien d'hommes. Bagarre. Et on se rend compte que Naya est dans les bâtiments aussi. Que Luther, il peut la suivre. Et oui, avec la puce. Donc, à un moment, Ambrose dit non, arrêtez tout. Il y a les pistolets vraiment pas loin des Itanantes. Il est au milieu, enfin, il est entre les deux. Donc il dit, vas-y Naya, tu vas récupérer les pistolets et tu me le ramènes. De toute façon, Itanante, il va pas te tuer. Non, c'est vrai. Donc elle va vers les pistolets et tout, et elle sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'elle fait? Et elle se l'injecte dans ses propres veines. Comme ça, plus personne ne peut la tuer parce que c'est la seule à avoir le virus. Voilà, c'est la dernière dose. Donc elle se l'injecte, elle va à côté de Tom Cruise, mais ils ne peuvent pas s'en sortir tous les deux parce que Tom Cruise, il n'avait pas prévu d'avoir une personne en plus à sauver. Donc elle lui dit, vas-y, tue-moi, c'est pas grave, tue-moi, sauve-toi. Et il dit, non, reste en vie, je viendrai, on a 20 heures, tu restes en vie jusqu'à là et je vais trouver l'antidote et je te l'amène. Ok. Donc voilà, une mission qui était difficile jusqu'ici devient impossible. Ah, c'est compliqué. Bon, donc dernière scène, disons dernière. Dernier gros paquet. Gros paquet. Dernière demi-heure. On est dans un bunker au milieu, sur une île. Oui, c'est là où Ambrose a son rendez-vous pour faire le deal avec McCloy. Parce que maintenant, Ambrose, il a le sang de Naya. Et il a l'antivirus. Il a les deux, ouais. Et ce qu'il fait, c'est qu'il libère Naya à Sydney, en plein centre-ville, pour qu'elle contamine tout le monde. Mmh. Et c'est lui le seul à avoir l'antivirus. Et il va parler avec les PDG. Ouais. Et il lui dit, je veux pas être 37 millions, j'en ai plus rien à foutre, maintenant je veux des actions de ta société. Je crois que c'est, il veut les 37 millions pour pouvoir acheter les actions de la société qui vont grimper en flèche parce qu'en fait, en gros, il va y avoir l'épidémie qui va partir à Sydney et trois jours après, ils sortent le vaccin et là, l'action monte et il dit, donc ça, je veux ça et comme ça, je deviendrai actionnaire majoritaire de ton entreprise. Et je vais être super riche. Entre-temps, on voit Itanante qui grimpe, qui se cache, qui tue plein de gardes en plein silence. Il est tout seul, mais il est trop malin. Il est accompagné de pigeons. Il est accompagné des pigeons et des flammes. Et de ralentis. Et bagarre. Mais Infiltration. Et à un moment, Stamp, donc le bras droit d'Ambrose, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il sort. Et il entend un bruit, parce qu'un pigeon, il fait du bruit. Donc... Oui, parce qu'il y a Tom Cruise qui est accroché au plafond avec une barre devant lui, et il y a le pigeon. Enfin, juste c'est à une, côté. C'est une colombe. Une colombe. C'est, blanc, c'est un pigeon blanc, juste à côté, qui fait... Donc, il se bagarre avec Ethan Hunt, bam, bam, bam, bam, bam. Et on revient à l'intérieur du bunker. Il y a Stamp qui appelle Ambrose, donc il lui dit, j'ai Ethan Hunt, j'arrive. Il amène Ethan Hunt devant Ambrose. Ligoté, bâillonné. Il dit, j'ai lui pété la mâchoire, donc il peut pas parler. Ambrose, il le tabasse à mort. Il tire dans le genou. Il peut rien faire. Il lui tire dans les genoux. Et après, bam, bam, bam, bam, bam, il le tue. Ethan Hunt est mort. Ethan Hunt est mort. Ou à moins quatrième que... masque. Ah, pas bête. Quatrième donc, et cinquième masque, du coup, les deux. Oui. C'est donc, là, le corps de Ethan Hunt se tombe. Se tourne. Et Ambrose voit qu'il lui manque un bout de doigt. Un petit doigt. Et il se rappelle qu'il avait un collègue qui avait un doigt en moins. Donc il enlève les masques. C'est Stamp. Maquillant Ethan Hunt. Maquillant Ethan Hunt et avec un scotch sur la bouche, quoi. Et le Stamp. Le faux, donc les vrais Ethan Hunt, il part en courant avec les deux... Et les pigeons. Et avec les deux, ouais, l'antidote et le virus. Donc, et le vaccin. Il court, il court, il court. Il sort, il enlève son masque. C'est Ethan Hunt. Il va vers l'hélicoptère dont son pote Billy Bear l'attend. Mais il y a plein de tirs, il y a plein de gardes. Oh non, vas-y, allez-y, allez chercher Naya. Parce que Naya, entre-temps, elle était relâchée en plein milieu de Sydney. Il se rend compte qu'elle va au bout des falaises. D'une falaise, oui, pour s'isoler. Pour se tuer. Ce qui est malin. C'est qui est malin. Enfin, de s'isoler. Se tuer, je sais pas, mais s'isoler, c'est bien. Oui, oui. Mais elle essaie de... On pense qu'elle va se tuer. Oui. Donc, l'hélicoptère part récupérer Naya et la ramener à Ethan Hunt. Ethan Hunt, il se retrouve un peu au milieu de plein de gardes. Qu'est-ce qui arrive? Il y a des gardes avec des motos qui apparaissent. Bam! Il récupère une moto. Ambrose, il récupère une autre moto. Course-poursuite! Bagarre, grosse course-poursuite, moto, explosion dans ralenti, tous les sens, camion voiture, sur les flancs. Tout d'abord! On vous le fait en résumé, mais ça fait ça à peu près. Et après, ils se retrouvent tous les deux sans moto, sur une plage, sans rien. Combat main nue, double salto, des ouf malades. Bam, bam, bam, boom, coup de pied dans bim. La mâchoire, double pied, sauté. L'hélicoptère arrive avec Naya. En même temps, Ambrose, il a été... Ethan Hunt, il pouvait le tuer, mais il n'a pas fait. Parce qu'il a juste tabassé, donc inconscient. Naya arrive. Ambrose, il menace Ethan Hunt avec un pistolet, oui, je sais plus. Un pistolet. Tout à fait. Bam, Ethan Hunt, il fait un coup de pichenette dans le sable, il récupère un pistolet et pop, pop, pop, il tue Ambrose. Il prend Naya, il lui injecte l'antidote, il la sauve et fin. Presque fin. Donc, et voilà, sauvé. Il se retrouve avec Anthony Hopkins, le grand chef, qui lui dit, ah, mais on t'avait dit de prendre... Un échantillon des chimères et tu l'as pas fait. Bon. Ouais, bon. Calme-toi. Excusez-nous. Culos, Anthony. Et bon, ben, en tout cas, Naya, son casier, il est vierge. Oui. Parce qu'ils ont tout cleané, tout ce que Scotland Yard et tout. Et Ethan Hunt, il dit, ben, moi, je vais prendre des vacances. Ça vous dérange pas. Je vous dirai pas où. On le revoit au milieu de Sydney dans un parc. Il embrasse Naya et ils partent dans la foule. Magnifique. Putain, il était difficile. C'est... Ah ouais. Bah, après, c'est vrai que si t'enlèves toutes les scènes d'action, tout d'un coup, ça accélère. Hein, oui, parce ça là, accélère là, un la peu. Dernière demi-heure, tu l'as fait en deux secondes, quoi. Oui, oui, oui. Mais c'est bien. Bravo. Ouais. Du coup, on va se faire une petite scène d'action. Oui, oui, oui. Voilà, on va faire la scène un peu hommage au premier, finalement, puisque c'est là où il tombe de l'hélicoptère pour se glisser. Alors, le plan exact, c'est qu'en fait, l'ouverture pour tomber dans le puits, pour aller récupérer à Biosite le truc, il faut passer par le toit, mais ça s'ouvre, il ne faut pas que ça reste ouvert plus de 30 secondes. 40 secondes, sinon ça déclenche l'alarme. Donc, il a 40 secondes pour que ça s'ouvre, qu'il descende, qu'il enlève son grappin et que le grappin remonte. Autant vous dire, c'est une mission impossible. Donc, il est sur l'hélicoptère avec Billy qui conduit. Il s'attache. Et Luther, le geek stylé, oui, il essaie d'ouvrir le toit. Mais il n'y arrive pas. 5 secondes. 3. Attends, j'arrive pas. 2. J'ai pas les codes d'accès. Luther, il flippe trop, il transpire et tout. Bon, Ethan Hunt, il est prêt. Il est à l'horizontale, il est prêt à tomber. Il est en l'air au bord d'un hélicoptère. Le décompte va commencer. Oh non, Luther, il se voit toujours pas. 5, 4, 3, 2, 1. Ethan, attends. Ethan se jette. Ralenti. Vol d'ange. Waouh, c'est beau. Un saut très très très haut. Hein. Ouais. Donc là, il n'a pas encore passé les. Les toits commencent à s'ouvrir. Et il passe tout juste. Ok. Chute libre. Voilà, il descend encore 40 mètres. 42 étages. Là, il n'est pas encore descendu, tu vois. Là, ça descend. Ah ouais, ça descend. Descend, ça vole. Il va falloir freiner. Il freine à la dernière seconde. Ça freine. Ça, c'est vrai. Il tombe à 10 cm de la vitre. Non, un peu plus, 1 mètre. Et après, il y a. Il regarde en face, il y a un garde. Donc, il doit se cacher. Petit salto, glissade et hop. Il se cache. Il se cache. Tout va bien. Là, il y a 23 secondes. Il reste 25 secondes avant qu'il faille refermer les portes. 20. Il faut lâcher le grappin et que ça ouais. C'est pas évident. Et il est encore bloqué, caché par dans les hop, gars. Salto arrière, ralenti, décrochage de câble. Hop, ouf. Réception, planqué derrière la vitre. Les câbles commencent à monter. Et allez, on retire Billy, le câble. Allez, attention, là, faut aller vite. Il manque. Combien il reste 13 secondes. 13 secondes. C'est chaud, comment allez. Comment 9, 8, 7, les toits commencent 6, à se fermer. 5, 4, 3, 2. Ah, ouf, sorti. Bravo, le câble est dégagé. Bravo. Quel talent. Wow. Quel talent. Les vols d'âge, là, il est pas mal quand même. Et il est long en plus à faire. Ouais, c'est clair. Ça, sachant que c'est une casquette qu'ils ont fait en vrai. Mais toute cette distance réellement. Bah, alors je pense qu'ils l'ont fait en deux temps. Il y a la première, la chute de l'hélicoptère. Ça, c'est ils ont fait. Et après, il y a les 40 mètres qu'ils ont reproduit. Je regardais un bout d'extrait de Making of et il y a, ils ont reproduit, en gros, une grosse chute libre de 40 mètres quasiment. Waouh! Avec après un fond vert pour incruster comme il faut oui. L'intérieur, mais il est vraiment sauté comme ça. Ouais. Et il y avait la caméra tout en bas, sous une vitre, et il devait vraiment s'arrêter à un mètre de la caméra. Quoi. Donc, ah, mais ça, c'est ouf chaud. Parce que tu le vois trop dans son visage qui fait l'effort de se fermer ouais. Par contre. Ouais. Ça, tu le vois trop, il a le visage tout rouge, il fait. Ouais, et puis même, tu vois vraiment la vraie sensation l'air. De descente de ouais. L'air. Bref, on parlera de Tom Cruise et ses casquettes oui. dans une prochaine alors, rubrique. Alors, Paulin, qu'est-ce que t'as pensé du film qu'est-ce que j'ai pensé du film? Alors, moi, j'aime bien ce film. Je sais que c'est vraiment. La plupart du temps, les gens disent que c'est le plus mauvais Mission Impossible. Je suis pas vraiment d'accord, j'en ai un autre en tête. Mais moi, je l'aime bien pour plein de raisons. Déjà, parce qu'il a un côté kitsch un peu quand même. Ça, c'est un peu too much. Et je trouve plutôt. Et ça vieillit bien, je trouve que c'est marrant en fait. Et puis après, c'est. En fait, tu vois, Tom Cruise, il va chercher John Woo, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est ça qu'on veut quoi. C'est vraiment que de l'action à 100%. Oui. Des grosses scènes d'action hyper chorégraphiées, très bien mises en scène, très bien réalisées. Après, il y a toutes les gimmicks de John Woo qui maintenant font un peu vieillotte, hein, c'est-à-dire toutes les ralentis, les colombes, le feu, enfin tous ces trucs-là, c'est hyper, ça, c'est hyper John Woo. Il y en a tellement que ça devient un vrai effet de style et moi, ça me fait marrer plus qu'autre chose. Et en même temps, je comprends le principe, je comprends le truc, je trouve, et j'adhère plutôt. Ouais. Tu vois, c'est vrai que c'est du cinéma hongkongais en fait dans cette réalisation là tu vois il y a plein de films hongkongais que tu regardes effectivement c'est pas les mêmes codes et moi je trouve ça assez rigolo et puis pareil ce mélange de romance au milieu de tout ça qui est complètement exagéré ça me fait beaucoup rire. Non moi ça m'a fait trop bizarre toute la scène avec la nana franchement la drague à deux balles. Ah non, c'est ralenti, chiant, les ralentis, l'espèce des trucs. Et en plus, l'Espagne avec les flamencos. Ah ouais, c'est cliché. Ça, c'est méga cliché. C'est cliché partout. Ah non, c'est horrible. Mais c'est vrai que dans les combats, je te rejoins un peu quand même. Les flammes et les colombes, c'est assez classe. Drôle. Les ralentis, c'est drôle. Non, et puis les combats, ils sont ouf. Enfin, ils sont bien filmés, quoi. Oui, oui. T'as vraiment des. Et même les courses-poursuites, les cascades. Enfin, Mais après, John Woo, c'est un mec qui sait filmer l'action. Ils le prennent pas pour rien, quoi. Oui, oui. Après, c'est peut-être un poil too much. Au bout d'un moment, des voitures. Bon, qui explose. Mais après, je pense que voilà, je pense que c'était le contrat initial du truc, quoi, c'est de faire ouais, ça. Ouais. Après, ce qui est bizarre par rapport, moi, ce que je mets, enfin, il y a deux trois trucs que je suis moins fan. L'équipe déjà, je trouve, bon, il y a Luther, c'est cool, mais après l'autre gars, il sert pas à grand chose. C'est un peu le Simon Pegg avant l'heure, quoi, qu'on va avoir plus tard. Oui. Tu vois. Sauf qu'il est un peu raté, il sert pas à grand chose. Donc l'équipe, il est pas trop. C'est vraiment que Ethan Hunt par rapport à d'autres. C'est moins Mission Impossible qu'on a eu avant avec De Palma déjà. C'est un peu plus un James Bond, en fait, dans et l'esprit. Et même Anthony Hopkins, en réalité, ouais, il est sous... Ça sert pas à grand-chose. Ça sert à rien, quoi. Je comprends pas pourquoi ils l'ont mis là. En plus, il y a un espèce de truc trouble avec la fille qu'au début, ils lui ont dit que c'était une voleuse. Ouais. Mais ils lui ont pas dit qu'il voulait... Je comprends pas pourquoi, en fait, ça sert à rien. C'est pas très intéressant. Et après, bon. Effectivement, sinon, c'est vachement plus les codes d'un James Bond, genre un Pierce Brosnan, que Mission Impossible. Mais après, je pense à ça, entre le premier Mission Impossible et celui là, t'as un peu les deux extrêmes de ce qu'est la franchise Mission Impossible, et maintenant ils essaient de trouver un équilibre entre tout ça, quoi. Oui. Il y a quand même les bon là il y a les masques à outrance, c'est quand ça, même c'est une marque de, ça, de pas mal. C'est celui où il y en a le plus, hein. Ouais. J'ai pas des doutes. C'était pas compliqué. Hein. Il y en a toutes les deux secondes. C'est Scooby-Doo le truc. Mais c'est marrant parce que pour les coups, les masques, des fois je me les attendais, mais des fois pas du tout. Et ça, c'est cool. Ouais. C'est chouette de se faire surprendre par moment. Bon, et toi, du coup, sur ce Mission Impossible 2 Je pense que c'est pas les pires. Je dirais que c'est pas les pires. Moi, il y a des moments où j'ai vraiment trop kiffé. Mais toute la première partie, franchement, ça m'a fait trop chier. Tous les trucs avec la nana, les colliers. D'ailleurs, je l'ai très mal expliqué parce que c'est trop chiant. On comprend rien. C'est juste pour faire de la drague. Ben oui. Et ça dure 20 minutes du film. Mais ça, c'est John Woo. Il voulait faire une romance. Là, oui, dit, mais c'est mauvaise romance. C'est gros sabot. En plus, c'est méga filmé. En plus, il y a toute la partie où ils sont dans la baignoire, oui. Parce qu'à un moment, ils sont dans une baignoire habillée, pas à poil. Et elle est sur lui, du coup c'est filmé, on voit ses seins, elle. Oui. Franchement, pas fin, quoi. Non, c'est pas très... c'est 2000, hein. Les années 2000. Ouais, voilà. Et en plus, son personnage, à elle... Elle subit beaucoup. Il est pas... Il est pas très intéressant. En plus, même, elle s'injecte les trucs. Et après, elle dit, oui, tu peux me tuer. Tu vois, c'est vraiment... Après, c'était je pense, le truc qu'il y a, c'est que les scénaristes, enfin, en tout cas, John Woo et les scénaristes ont voulu un triangle amoureux entre Ambrose, Ethan Hunt et cette fille, et Nia. Ouais. Et que du coup, c'est un peu la pièce centrale de ça. Après, elle subit les trucs, mais du coup, c'est ce rôle-là, en fait. Oui, mais ils auraient pu inventer un truc un peu plus malin, tu vois. Parce que là, vraiment, ils se connaissent depuis 24 heures. Et oui. Il est méga jaloux, on comprend pas pourquoi. Elle est méga amoureuse et elle fait des espèces de trucs, genre, on est un couple depuis 20 ans. Et encore, tu fais pas ça avec ton copain, mais forcément, tu vois. Ils ont coupé dans le film parce qu'à la base, John Woo, il avait un film de 3 heures quasiment. Ah ouais, et ils ont éludé notamment pas mal de trucs comme ça parce que la prod, donc Tom Cruise et Paula Wagner, voulaient un film d'action, quoi. Ouais. C'est John Woo qui a poussé pour avoir la romance et qui du coup a orienté les scénaristes sur ce truc là ouais. Et qui voulait absolument le triangle amoureux après, voilà. Ouais. Mais après, c'est vrai que bon, c'est pas, on va plus tard dans la franchise avoir des personnages féminins dans Mission Impossible qui sont bien, sont mais là on n'y est pas encore. Après, ça reste mieux quand même que Emmanuel Béard dans le premier qui avait on comprenait pas du tout. Et elle, pour le coup. Il y avait zéro alchimie, il n'y avait rien, elle avait un rôle qui était à zéro. Quoi. Oui, mais en même temps, elle était marginale, tu vois, ce personnage-là, il est vachement central, quoi. Ah, mais tu sais, sur le 1, à la base, c'était dans l'écriture, ça devait être hyper important, la relation avec elle. Et qu'eux, ils n'ont pas su quoi en faire, donc ils l'ont viré du côté, truc. Ouais. Là, c'est encore plus central, puisque c'est elle qui fait le pont entre les deux personnages. Après, mine de rien, tu vois, s'il n'y avait pas eu elle, on n'était pas loin d'avoir un remake de Volteface, du coup. Face Off. Parce que du coup, c'est ça. Hein, Face Off, pour rappel, c'est un flic et un brigand. Un mec avec une capuche dans un forêt. Un gangster. N'importe quoi. Un gangster et un flic qui se retrouvent. Alors, je ne sais plus comment. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Ils se retrouvent à chacun changer de visage, en fait. Ouais, voilà. Il y en a un qui prend le visage de l'autre, etc. L'assassin qui. Le gangster qui récupère les flics et lui. Voilà, c'est ça. Qui récupère son visage. Je ne sais plus. Et puis, ils font l'inverse pour infiltrer. Je ne sais plus. C'est hyper. Enfin, c'est un peu merdique, mais il y a un peu cette idée-là aussi là-dedans, tu vois, entre Tom Cruise et son double, en fait. Enfin, Ethan Hunt et son double. Ouais. Et c'est vrai que si t'avais pas le triangle amoureux, t'étais quand même encore plus proche du scénario de Face Off. Il pouvait être un peu plus fin, quoi. Peut-être un petit peu plus de finesse. Bref. Mais bon, c'est Mission Impossible. Est-ce qu'on avait vraiment envie de finesse? Je ne sais pas. Les combats kitsch. On va reparler un petit peu de tout ça, mais dans la rubrique Tom Cruise, d'abord, on va parler de quelque chose qui est brillant et qui et ressemble qui à une petite un statuette homme. Qui est un homme. And the Oscar goes... And the Oscar goes... And the Oscar goes... And the Oscar goes... And the Oscar goes... Et oui, on parlait des Oscars. Aïe, aïe, aïe, aïe. Parce que dans tous les films de Tom Cruise, il y a toujours quelqu'un qui traîne qu'un Oscar pendant que lui n'en a pas. Non. Mal. Bon, alors là, est-ce que dans ce film-là, il y en a? Je sais pas. Il y en a, mais alors c'est pas ouf. Hein. Tu m'étonnes. Il y en a pas tant que ça. Effets spéciaux. Non. Ah merde. Alors le film a eu aucune nomination aux Oscars. Enfin, j'ai pas, ah bon? J'ai pas vérifié, mais naïvement, je me dis qu'il n'y en a pas eu. Quelqu'un mais à la musique. Il y a eu deux personnes dans l'équipe qui ont eu des Oscars. Ah et bon. La musique, oui. Mmh. Avec Hans Zimmer, qui a déjà eu un Oscar pour Le Roi Lion. Ouais. Et plein de nominations, mais il n'y en a eu qu'un seul. Ah ouais. Mmh. Et il y a une autre personne qui a eu un Oscar qu'on connaît bien, qui est un ami de Tom Cruise de longue date, de très longue date. Les professeurs, les docteurs. Non, docteur Nerkovitch, non, qui joue dans Eyes Wide Shut, d'ailleurs. Mais non, c'est pas ça, c'est pas lui. Non, c'est son copain Robert Towne, le scénariste. Oh. Il y a eu un Oscar pour Chinatown. Chinatown. Ouais, Chinatown. C'est possible. Tout à fait. Et qui avait écrit déjà pas mal de films avec Tom Cruise, notamment Top Gun. C'est lui qui a écrit Top Gun. Je sais pas. Moi, j'ai un doute. Ça me met le doute. Robert Towne. Je vais chercher pendant qu'on meuble. Mais en tout cas, oui, Robert Towne. Mais Robert Towne, qui a un Oscar. Et pas John Woo. Et non, John Woo n'a jamais eu une nomination aux Oscars. Ah. Ah oui. Dommage. Robert Towne, il avait écrit aussi le premier Mission Impossible. Il avait écrit Chinatown, il avait écrit le premier Mission Impossible. Il fait un peu les liens. Il avait écrit La Firme. Qu'est-ce qu'il avait écrit? Jour de tonnerre aussi, c'était lui? Ah ouais. Ouais. Non, c'est un copain de... C'est un copain de Tom. Un copain de Tom. Cool. Et d'ailleurs, les scénarios, on y reviendra peut-être plus tard, mais le scénario est arrivé après le choix du réalisateur qui a... En gros, ils ont trouvé John Woo. John Woo a dit, je vais faire ça, ça, ça comme film d'action. Écrivez-moi un scénario autour de ça. Aïe, aïe, aïe. Tu m'étonnes. Que ouais. C'est un peu tiré par les cheveux. Ah bah, c'est un film d'action. Ouais, ouais. Petit point sous-sous, le budget. Oh, petit budget. Petit budget. Ouais, petit budget. Je sais plus par rapport au premier Mission Impossible, parce que ça fait 125 millions de dollars. Bah, petit budget. Bah alors. 125 millions. C'était ironique. Ah. C'est beaucoup plus que le premier, c'était 80. Ah ouais. Et box-office. Ah, yeah, yeah, c'est, ça cartonne. C'est le film qui a le plus cartonné de l'année 2000. C'est vrai? Oui. Il a fait combien? 546 millions de dollars. 546 millions, ouais. Oh là là là. C'est énorme. Et du coup, le salaire de Tom Cruise, alors c'est le salaire avec les... Comme il est producteur, en gros, c'est tout ce qui est rentré dans sa poche. C'est beaucoup. Après, c'est 75 millions de dollars. Et là, par rapport à Magnolia, c'est pas la même histoire. Waouh. Et oui. Bon, après, il est producteur. Ouais. Non mais c'est fou. Et oui, du coup là le Tom Tom, on va pouvoir parler de lui. Bon, dans le jeu, finalement, on le connaît. Ouais, j'ai un truc à dire quand même par rapport au jeu. Oui, vas-y. Je trouve qu'on voit bien le switch Ethan Hunt Ambrose, alors que c'est quand même toujours lui qui joue. Oui. Quand Ambrose a son masque, tu vois. Oui. Il joue d'abord, par exemple, dans la scène de l'avion, il joue d'abord Ethan Hunt, oui. Et après il switch légèrement quand il est Ambrose, et tu dis, mais il est bizarre quand même, là, Ethan Hunt. Ouais. Je sais pas, il y a un truc vraiment, soit sûrement aussi dans la réalisation, mais je pense que lui aussi, il a un petit truc dans les yeux, et tu dis, putain, il est méchant. Mais qu'est-ce qui lui arrive à Ethan Hunt? Ah non, c'est le méchant. Et un truc, et je trouve ça, il le gère super bien. Ouais. Après, moi, je trouve... Mais c'est à la fois comment c'est écrit et comment il va le jouer, c'est que là c'est le Ethan Hunt qui a vraiment la confiance, quoi. Ouais. Tu vois, par rapport au premier film où il est un peu poursuivi, quoi. Là oui, c'est là, mais bon, il là, est... c'est le seul Mission Impossible où Ethan Hunt est pas désavoué, où il est c'est une mission comme une autre, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que ça donne pas les mêmes enjeux, et là il est vraiment, enfin je trouve Tom Cruise dans ce film-là, il est là pour l'action. Et le reste, ça va passer quoi qu'il arrive, en fait. Donc tu vois pas vraiment qu'au niveau du jeu, il y a pas grand chose à noter au niveau du jeu, parce qu'il est un peu, et après il est un peu James Bondesque en plus. Ouais. Mais c'est un peu facile. Ça lui va pas très bien en plus. Non. Je pense qu'il ce film là, mais bon, clairement avec Paula Wagner, donc la coproductrice avec lui, enfin avec qui ils ont la boîte de prod, ils voulaient faire un film d'action. Ils ont dit le premier Mission Impossible était bien, mais celui-là il faut vraiment qu'on bastonne sur l'action. Qu'on essaye de tenter ce truc-là. D'en faire au max. Voilà, et c'est là qu'ils vont chercher le réalisateur. D'abord, ils demandent à De Palma si ça l'intéresse, qu'il dit non. Mm. parce que lui, ce qu'il aimait, c'était le côté thriller, je pense, plutôt du premier Mission Impossible, ce qu'il voit, qui était chouette. Et là, du coup, Tom Cruise étant un gros fan de films de Hong Kong, il va chercher John Woo, parce qu'à l'époque, John Woo, il sort donc de... Il a fait deux films à Hollywood, il a fait donc Broken Arrow et Volteface, Face Off. Ah. Et il est reconnu comme étant effectivement un super réalisateur d'action. Donc il se dit, là, on va faire de l'action, on va prendre le meilleur, la crème de la crème. Ouais. Si en plus on a le droit à une colombe et des ralentis, c'est cadeau, quoi. Mais il y en a trop de ralentis quand même. Et c'est un style. Moi, j'aime bien, ça me fait. Il y en a un moment, il y en a tellement pour tout que. Tu t'en rends même plus compte. Ouais. C'est un ralenti, là, sur la scène de l'hélicoptère, il y a le câble qui s'enroule, il est au ralenti. Ça sert à rien, mais. Qui se déroule. C'est assez génial, moi, je trouve. Je pense que ça touche au génie à ce niveau-là. Ouais. Du coup, voilà, donc John Woo arrive. John Woo, donc, ce que je disais, hein, il va dire, voilà les scènes d'action qui marcheraient bien, que je saurais faire et que j'ai dans la tête. Les scénaristes se démerdent tant bien que mal pour faire quelque chose, sachant qu'en plus, John Woo, il dit, moi, je veux une romance là-dedans. Et que Tom Cruise était chaud, il dit, ça m'intéresse aussi qu'il y ait ce truc-là. Quitte à ce qu'effectivement, ça flirte avec James Bond, hein, c'est un peu le problème. Ouais. Et puis, du coup, c'est parti, quoi, en avant pour... Tom Cruise nous fait 95% des cascades du film. Ouais, ça c'est cool. Et anecdote très rigolote, il a menti aux assureurs sur le fait qu'il allait faire autant de cascades. Ah ouais, tu m'étonnes. Rien que la première scène, la deuxième scène, la scène d'escalade. Donc c'est Tom Cruise qui fait l'escalade avec son instructeur, etc. Et John Woo, il voulait pas regarder. Il voulait surtout pas, il s'engueulait régulièrement sur parce que Tom Cruise, il disait, je vais la faire la cascade. Et John Woo, il dit, non, mais mets un cascadeur à la place. Il dit, non, mais ça va pas rendre pareil, ça va pas être bien. Et du coup, John Woo ne regardait pas quand ça filmait, quand il faisait les sauts dans le vide et tout ça. Il voulait surtout pas être le réalisateur qui allait tuer Tom Cruise sur un tournage. Ça, il faut vraiment prendre sur soi, je pense, quand tu tournes un film comme ça avec Tom Cruise. Et puis là, tu peux pas, il est producteur. C'est lui qui te paye le chèque à la fin du mois. Enfin, tu peux rien faire. Tu peux rien dire. Tu es obligé de dire OK. Donc, je pense que ça n'a pas dû être toujours facile, même si quand tu regardes les making-of, tout ça, tu vois qu'ils sont très, très liés et que Tom Cruise était vraiment fan de son boulot et qu'il avait vraiment envie de le faire venir. Après, je pense que sur le plateau, ça a dû être quand même galère parce que ces deux mecs qui ont des exigences très, très fortes. Mm. En plus, a priori, ce serait Tom Cruise qui aurait eu le final cut et pas John Woo. Ah bon ? Ouais. Aïe. Après, pourtant, tu regardes le montage, tout comme ça ressemble quand même à une signature d'un film de John Woo. Enfin, il y a quelques problèmes de raccord par moment, je trouve. Mais ça, je pense que c'est dû au fait que la version, il y a eu plein de coupes, qu'ils ont un peu bricolé pour réduire le film. Et aussi, ils ont dû le recouper parce qu'à la base, il devait être classé R, rated R. Et ils voulaient le passer en moins de 13. Donc, ils ont dû virer plein de trucs un peu sanglants, un peu violents pour passer. Je pense que John Woo, il a dû se dire, OK, on y va. C'est le seul film de sa filmographie qui est moins de 13 ans. Je pense, bon. Mais en même temps, il a dû prendre le Checo, ce qui va bien, parce que c'est en même temps le film qui a fait le plus d'entrées de sa carrière. Donc, bon, l'un dans l'autre, tu dis, c'est des concessions à faire. Aïe, aïe. Bon, Tom, du coup, voilà. Tom, la bagarre de fin, quand même. Ouais, la bagarre de fin. La belle bagarre de fin sur la plage où il fait les coups et tout ça. Et il disait que pour la chorégraphie de la bagarre finale, ils ont fait attention justement à Tom Cruise, à sa démarche, à sa manière de bouger pour que ça colle, que ça fasse pas un truc trop répété, que ça corresponde avec sa manière de se déplacer. Tu vois, cette espèce de côté un petit peu ramassé des fois. Du coup, c'est lui qui fait toutes ces cascades, donc le double pied sauté. Il y a même une cascade où il est avec Ambrose et il fait un salto arrière avec pied tendu pour lui envoyer. Et en fait, il lui a vraiment foutu dans le menton. C'est vraiment la prise qu'ils ont gardée. Doug Ray Scott, il se le prend vraiment dans la face. Ça a dû faire méga mal. Parce qu'à un moment, en le regardant, je me disais, il tombe super bien, Ambrose. Il prend méga cher, ouais. S'il s'est pris peut-être les vrais coups de pied. Ouais. Après, il devait quand même déjà se jeter en arrière, mais il l'a pris en plus, quoi. Après, c'est fou. T'as la cascade aussi qui a dû être bien galère. C'est quand t'as les deux motos qui se foncent l'une après l'autre et qui se récupèrent en l'air. Parce que oui, Ambrose et Italant, ils se retrouvent face à face avec les motos. Ils se foncent dessous. Les deux motos explosent. Et eux, ils sautent et ils récupèrent dans l'air et ils se retrouvent dans les sables. C'est quand même. Ouais. Et là, apparemment, j'ai regardé des petits bouts de making-of. C'était assez marrant. Il y avait une ingénierie assez balèze où il fallait en fait un câble pour les faire passer donc de 100 km/h les mecs, hein, ouais. Pas les motos, les motos on s'en fout, elles se barrent, mais les mecs de 100 km/h à 0 km/h en très très peu de temps. C'est pour qu'ils trop... puissent pas se percuter, mais juste arriver à très faible. C'est assez, assez barjot, quoi. Ah ouais, c'est fou. Et après, on s'est plaint dans les théâtres quand on doit faire des petits trucs. Ah là, mais là, t'es, là, t'as 125 millions de budget, ouais, tu peux y aller, quoi. Et le l'histoire du couteau, je sais pas si tu as vu cette anecdote passer. Non. Le couteau, à la fin, quand il y a Ambrose qui pointe, qui veut percer l'œil de Ethan Hunt, ouais. Il met un couteau et il y a un plan rapproché. Hyper rapproché. Où tu vois qu'il est très très proche. Et qu'il est en train de un peu de pleurer de l'œil. Ouais. Et qu'en fait, donc John Woo, il a dit, mais bon, t'embête pas, on mettra un faux et puis on fera un raccord numérique, etc. Et Tom Cruise a dit, non, non, vous mettez un vrai couteau. Ah là là. Parce que sinon, je vais pas le sentir, ça va pas marcher. Donc, je pense qu'ils prenaient du drogue, ou je sais pas. Il y avait un truc, quoi. Parce que... Et du coup, ils se sont emmerdés pareil à faire un mécanisme pour que, une de sécurité pour que le couteau aille pas plus de moins de, enfin, à moins de 4 mm de l'œil de Tom Cruise. Tu te dis, mais c'est combien? À quoi ça sert? C'est barjo quand même. Voilà. Après, c'est vrai que ça donne une scène où c'est. En plus, c'est bien filmé, je trouve. Ouais, en plus, dans le découpage. Je pense que c'est un des seuls moments où il n'y a pas de musique. Ouais. Où il y a que du silence. C'est. Ah, mais après, c'est ça. Les scènes d'action, vraiment, sont hyper bien découpées et très, très claires aussi. Je trouve ça, c'est chouette. Ouais, ouais. C'est une manière de filmer les bagarres, les scènes d'action qui sont hyper lisibles. Ouais, c'est vrai. Parce qu'après, c'est vrai que sur la suite des années 2000, il y a un moment qui arrive où les bagarres dans les films sont pas si claires que ça, je trouve. Après, il y a tous les moments des motos, je trouve que c'est pas très clair. Avant, dans la course poursuite, dans la ville. Ah, si, quand même. Il y en a beaucoup. Mais c'est clair, c'est hyper lisible. Enfin, tu vois, il n'y a pas de raccord bizarre ou de trucs. Non, mais il y a beaucoup trop de dégâts et beaucoup trop de voitures. Et tu dis, mais ils sortent d'où? Mais attends, ils ne les avaient pas déjà tués? Non, mais encore, il y en a encore une autre. Mais c'est des civils ou quoi? Non, c'est les méchants. Aïe, aïe. Bon, bah. On parle plus de Tom Cruise là, mais. Ah, ben, un petit peu, c'est ça. Un peu, un peu. On parle forcément de ça, quoi. Bah, en tout cas, c'est impressionnant. C'est quand même impressionnant. Ouais, c'est ce qu'il a fait. C'est très très balèze. Il est, autre il est anecdote, balèze. Sur il y a un moment, une moto qui traverse les flammes, il l'a fait sans équipement. Mais il est Non, mais c'est... je pense vrai, qu'il a pété un câble sur ce truc-là. Ouais, tu vois vraiment que ce film, il le fait parce qu'il a envie de faire de la cascade. Il rentrait des thunes. Quand même. Et je me demandais, ces cheveux longs-là, oui. Cette période de cheveux longs, c'est quoi? C'est les films qui lui a demandé d'avoir les cheveux longs? C'est Magnolia? Magnolia, il les a longs. Là, il les a longs. Après, c'est quoi? Vanilla Sky, il les aura longs. Je sais pas. Ils sont longs, Vanilla Sky. Ouais. C'est après que pour Minority Report, il les recoupe, je crois. Ah, merci Steven Spielberg. Toi, t'aimes pas sa peau de cheveux là, cette coiffe. Madame Magnolia, encore, je trouve que ça va parce qu'il tire un peu l'arrière. Mais là, il a toujours les cheveux sur les yeux et tout. C'est chiant. Ouais, dans Magnolia, il fait une espèce de coup et tout, un peu chum. Quoi. À la rigueur, ça marche avec son perso, tu vois. Là, avec les super-héros James Bondien, avec les cheveux longs, c'est trop bizarre. Ah, c'était pour montrer l'émancipation par rapport au jeune Ethan Hunt qui avait ses cheveux courts, qui peut-être, était un peu propre. Peut-être. Là, il est un peu plus rebelle. Et puis, il était en vacances. Il n'a pas vacances, été chez le coiffeur. Il n'est pas allé dans les Grand Canyon. Il n'y a pas de coiffeur, quand même. Pour moi, c'est logique. Ouais. Et un autre truc, c'est qu'à noter une autre anecdote intéressante, je sais pas, sur Tom Cruise, le producteur, c'est qu'on a retrouvé dans ce film William Mapother, je sais pas si tu te rappelles, son cousin. Ah, mais attends, qu'on avait vu qui avait fait un soldat vaguement dans Né un 4 juillet. Oh. C'est un des hommes de main d'Ambrose. Et après, je regardais, et en fait, il est dans toutes les productions de Tom Cruise. Le c'est mec, son début de carrière, c'est que les films production Tom Cruise. Ah, trop bien. Il va être, je crois qu'il est dans Vanilla Sky. Le mec, sa carrière, c'est son cousin, là. Quoi. Donc, amusez-vous à chercher William Mapother, vous allez voir. C'est dans les films films de Tom Cruise. Il y est assez régulièrement. Allez, ceci dit, ça nous intéresse, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est... C'est l'heure du cruzomètre. Petite transition, un peu... Le cruzomètre. Qu'est-ce que c'est le cruzomètre? Je sais pas. Sais plus. C'est une note de 0 à 100, en pourcentage, pour donner notre ressenti à l'issue du visionnage de ce film sur Tom Cruise, sa prestation, sa carrière, l'impact que ça a sur le reste de sa famille. De sa famille et de sa carrière et d'Hollywood, quoi. Et alors, ça, Serena, là, je sens que ça va. Ah, ça va être chaud. Qu'est-ce que tu vas nous proposer? Tu veux, je te rappelle ce que tu avais mis au premier Mission Impossible? Ouais. Déjà, j'avais mis beaucoup. 97, je crois. Ouais, j'avais mis beaucoup. Ah oui, c'est normal. Ah, normal. Alors, je peux pas être trop, trop basse parce que le numéro 2, c'est quand même le numéro 2 qui relance quelque chose. Ah bah, qui confirme en tout cas, qui appuie une franchise. Qui a beaucoup de box-office aussi. Et oui. Et ça, qui fait une boîte de prod encore plus puissante. Qui fait que tu peux faire un 4, un 3, ah, un 4, voilà. Un 5, un 6, etc. Bah, j'ai hâte d'arriver au 4, 5, 6. Oui, oui. Mais je ne peux pas donner beaucoup parce que quand même... Tu fais ce que tu veux. Ce n'est pas les meilleurs de... Ah, je sais, un DC entre 39% et 43%. Entre 39 et 43. 43, allez, 43. Attends, je regarde en mais même temps ce que ça... 43, t'as, c'est déjà beaucoup, hein, par rapport aux autres notes. Non, mais en plus, c'est un peu... T'hésites, là. J'hésite. Vas-y, dis-moi. Entre 39 ça, je... et... Alors, là, tu le placerais entre La Firme et Horizon Lointain, dans ton classement. Ça a du sens. Ça a du sens, ok. Ouais. Donc, 39, 43. Bah, je sais pas, dis-moi toi et après je réajuste. Ok, moi je vais. Si tu voudrais pas qu'il monte trop. Non, mais moi je vais pas mettre un énorme, même si je l'aime bien, je connais les limites de la chose. Ouais. Mais je vais quand même mettre plus de 50%, je vais mettre 55%. Ouais. Parce que mine de rien, ça pose ce que tu dis, ça pose des bases. Après, c'est pas le plus surprenant, mais moi j'aime bien le côté, c'est son film hongkongais en fait. C'est son film d'action hongkongais. Ça, c'est pas mal. Mais je trouve ça original, tu vois. Ça, c'est voir. En plus, à l'écran, tu t'es dit, c'est Tom, mais c'est trop bizarre. On n'a pas l'habitude de le voir là-dedans. Et ça, on ne va pas trop l'avoir. On ne va plus l'avoir. Et c'est pour un blockbuster, à l'époque, ce n'était pas si courant. Et je trouve ça... Et un film qui a autant marché, même s'il a été hyper mal critiqué, je trouve ça cool. Donc, je mets une... Bon, allez, je mets 50. 40. Ah, 40. Tu as coupé la poire en deux. Ouais. Et Rotten Tomatoes, ils nous ont dit, eux, 57%, ce qui est pas si je pensais que c'était pire que ça, mais en fait, non. Mais... Non, mais il y a des gens qui aiment bien ces côtés kitsch, John Woo. Bah, John là, c'était les notes sorties à l'époque, et il y en a la plupart de celles qui étaient positives, c'était de dire que c'était hyper novateur comme mise en scène d'action. Ouais. Mais parce qu'effectivement, pour les Américains, à l'époque, c'est un réalisateur hongkongais, même si le mec il fait ça à Hong Kong, à Hollywood, ils n'en ont pas encore l'habitude de ce genre de réalisation de films d'action. Et c'est vrai que ça amène une lisibilité dans l'action, un rythme qui est différent, une autre manière de voir l'action et qui a été super bien, enfin qui a super bien marché, quoi. Ce qui fait que John Woo a eu quand même une petite carrière à Hollywood et c'est chouette du coup. Et je pense que ça, c'est ça que les critiques ont trouvé bien, ce côté-là. Tu fais un film d'action, tu le fais bien. Après, tous les autres défauts, effectivement, par contre, ils ont été très, très vite... Tu peux pas trop passer à côté, quoi. Tu peux pas passer à côté. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Bon, c'est le moment du petit recommandation. Petite recommandation, tout à fait, parce que j'ai pas de questions particulières aujourd'hui. Ah, recommandation, t'as une recommandation? Moi, j'en ai deux. Ouais, moi, j'en ai une aussi. Vas-y, alors, les deux. Ma première recommandation, c'est au MTV Movie Awards. Okay. Des années 2000, il y a eu un petit clip qui a été fait par rapport à Mission Impossible 2 et qui a été fait par Ben Stiller, le grand copain de Tom Cruise. Ah, je l'ai vu, c'est trop bien. Je ne savais pas si tu l'avais vu. C'est hyper drôle, c'est un petit clip de 5-10 minutes où Ben Stiller joue le rôle de Tom Cruise, mais c'est la doublure de Tom Cruise. Ouais, voilà. Et son nom, c'est Tom Cruise, c'est R-O-U-Z-E. Et il est doublure cascade de Tom Cruise. Et en fait, il s'incruste partout. Il traîne toujours derrière Tom Cruise. Et puis tu vois que Tom Cruise joue son vrai rôle. Il est trop emmerdé par lui. Et ils font des réunions avec John Woo où ils expliquent les cascades. Et puis t'as Ben Stiller qui dit non, faut la faire comme ça, tu vois. Et puis t'as John Woo et Tom Cruise qui sont hyper emmerdés avec ce gars. Et c'est très très drôle. C'est un faux making-of sur cette doublure. Et c'est hyper drôle. Et en plus, c'est pas dans ces clips-là, parce que moi j'en ai vu un, mais je suis pas sûre que ce soit les mêmes, où il fait aussi tous les films. Non, on fait voir lui un doublure dans tous les films. Oui, ouais. Putain, il est fort quand même, il le fait super bien. C'est Tom très, Cruise, très, quand très, même. Très drôle. Où tu le vois, en fait, ça commence le plan où il se rapproche en hélicoptère de la façade où il fait de l'escalade, et en fait, c'est la tronche de Ben Stiller sur le truc. C'est très très drôle. Voilà, vraiment. Et ça montre aussi un peu l'autodérision que peut avoir Tom Cruise, et c'était assez marrant sur ce truc-là, je trouvais. Voilà. Cool. Et la deuxième? Et la deuxième recommandation, c'est une revue. Et ça, j'avais jamais fait de revue encore. Ah. C'est une revue qu'on aime bien avec Serena. Oui. C'est la revue Rockyrama. Très bien. C'est spécialement le hors-série qui est sorti ce mois-ci, je crois, ou le mois dernier, donc en février 2022. Ouais, je crois. Et ça s'appelle La Grande Bagarre, 51 combats mortels à voir avant de mourir. Oui. Et en fait, c'est donc tous les journalistes de Rockyrama qui ont fait une liste de 51 bagarres au cinéma Et c'est très très drôle quoi. Ouais. Avec expliquer le contexte, en quoi c'est des bagarres qui sont épiques et qui restent dans le temps, dans l'histoire du cinéma. Et c'est marrant. Et puis Rocky Rama, c'est toujours des super bouquins bien foutus. Donc voilà, c'était la recommandation du jour. Ouais, à toi, Serena. Bien. Alors moi, je vais conseiller un manga. Oula, on est foufou aujourd'hui. Ouais, j'avais pas trop d'idées, mais donc qui s'appelle Vertical de. Mm-hmm. Je le dirais sûrement super mal, Shinichi Ishizuka, ouais. Et qui raconte un peu l'histoire d'un personnage qui s'appelle Sampo, qui est un alpiniste amoureux de la montagne et tout ça, qui se retrouve, qui décide d'être secouriste bénévole sur les Alpes japonaises. Et en fait, tu as plein d'histoires sur la montagne. C'est vraiment une grande déclaration d'amour à la grimpe et à la montagne. Et il y a un peu de... Bah, ils sauvent ou pas des gens qui sont retrouvés dans des accidents de haute montagne. Mais c'est hyper, hyper juste, hyper beau, hyper doux. C'est quelques volumes quand même, mais... Trop classe. Trop, trop bien. Vertical. Vertical, à lire. Allez, bravo. Eh bien, oui. Oui, youpi, youpi. Alors... Quant à nous, parlons peu, parlons bien. Nous nous retrouvons dans deux semaines pour parler de Vanilla Sky de Cameron Crowe. C'est ça, yeah. C'est Vanilla. Je crois que. Ouais. Je crois qu'on se trompe pas. Ouais. On a toujours le doute à chaque fois, mais non, c'est bien Vanilla Sky dont nous allons parler dans 2 semaines. Trop bien. D'ici là, comme d'hab, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Twitter. On est @cruzometer, tout attaché. Ou sur le site internet cruisecontrol.card.co, card c'est A2RD. Oui. Vous mettez des notes si vous avez envie sur les applications de podcast, parce qu'on est à peu près partout normalement. Vous en parlez à vos amis si vous avez envie. Oui. Bah, si vous n'avez pas envie, vous faites d'autres trucs. De toute façon, enfin, après voilà. Parlez de Rocky Rama. Parlez de Rocky Rama ou de Vertical. Voilà. On est hébergé chez PodCloud, qui est une association de Toulouse. Oui. Ouais. Ouais. Et qui fait du super boulot pour aider à héberger les podcasts. C'est pas cher, c'est bien. Il y a beaucoup d'aide. Il y a beaucoup de. Ouais. Il y a un gros volume d'aide, de tutoriels, etc. Donc c'est très très bien. On est bien accompagné. Et il y a un super catalogue aussi de podcasts. Vous pouvez aller fouiller là-dedans. Ouais. On va vous laisser en écoutant la petite musique faite exprès pour le film de Limp Bizkit, qui est absolument merveilleuse sur le thème de Mission Impossible. On se retrouve dans 2 semaines et on vous fait des bisous. Des bisous. For this life and where they keep it. It's kinda sad when you don't know the meaning. But everything happens for a reason. I don't even know what I should say. Cause I'm an idiot, a loser, microphone abuser. I analyze every second I exist. Beating up my mind every second with my fists. And everybody wanna run. Everybody wanna hide from the gun. You can take a ride through this life if you want. But you can't take the edge off the knife. No, sir. And now you want your money back. But you're denied. Your brain's fried from the sack. And there ain't nothing I can do. Cause life is a lesson. You'll learn it when you're through. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. Cause hate is all the world has even seen lately. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. Now I know why you wanna hate me. Cause hate is all the world has even seen lately. We'll be right back. Eh bien, je le laisserai peut-être en bonus ce magnifique morceau. Peut-être on l'aura dans l'espace aussi, cette musique. Encore une autre version.